À tous les semaines, il y a du monde là, qui appelle là. Puis ils disent qu'ils viennent perdre leur job. Puis ils pensent qu'elle va leur trouver une job demain. C'est que là, gars. La perte de vos jobs, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de vos tensions, et ainsi de suite. Checkez-les vos impulsions. Une impulsion, c'est toujours un test. Vous savez qu'est-ce que c'est l'impulsion? L'impulsion, c'est comme un peu de l'acupuncture psychique. C'est un implant. C'est comme une aiguille qui te met, là. C'est comme un implant, là. Puis là, tu réagis d'une façon ou d'une autre. C'est ça, l'impulsion. C'est une mesure de l'impulsion. C'est une mesure de ton discernement. C'est une mesure de ta sagesse. Moi, je parle jamais de ta sagesse. Mais c'est une mesure de ton discernement de l'impulsion. Fait que si t'as du discernement dans l'impulsion, c'est plus de l'impulsion, ça devient de la créativité. Alors, dans l'impulsion, ça devient de la créativité quand t'as du discernement. Quand t'as pas de discernement, de l'impulsion, c'est de l'impulsion. Puis tous les hommes sont sujets à de l'impulsion. Parce qu'on est constamment nourri. Constamment nourri. Soit d'astral ou des autres plans, mais on est constamment nourri. On reçoit toujours de l'énergie tout le temps, on reçoit de l'énergie. C'est quoi le petit cas? Mais à un certain moment, il faut qu'on comprenne que l'énergie qu'on reçoit, il faut qu'on l'utilise pour soi. Si on ne peut pas l'utiliser pour soi, puis si elle nous fait dommage, à un niveau ou à un autre, cette impulsion, il faut qu'on la coupe. Pour avoir notre autorité. Sans ça, on se fait jouer les tours. Faites attention à votre argent, ceux qui ont de l'argent. Parce que quand tu es conscient que tu as de l'argent, tu peux très facilement la perdre. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que vous recevez plus d'intuition. Donc, vous avez la possibilité d'être plus créatif ou perdre. Ils disent que les gens riches sont plus susceptibles de perdre leur richesse quand ils sont conscients que ils sont inconscients. Conscients dans le sens qu'ils ne sont pas encore arrivés à un point où ils ont le discernement parfait. Quand tu es inconscient et que tu es riche, tu fais attention, tu as toutes sortes de barrières. Tu es avare, tu as des mécanismes qui t'empêchent. Tu as l'insécurité, tu as la crainte, tu as le marché, tu regardes le New Wall Street Journal, tout ça. T'sais. Si le marché n'est pas bon, mais t'arrêtes. La société te conseille. Mais quand t'es conscient, c'est la société qui te conseille. C'est toi qui prends des décisions sous une impulsion qui est de plus en plus grande, qui te frappe de plus en plus, tu vois plus de possibilités. C'est là qu'il faut faire attention. Vous autres, vous deux, là, toi et Piel, là, faites attention avec votre argent. Faites bien attention, surtout toi. Watchez-la, votre argent. Watchez-la, votre argent. T'as un exemple dernièrement, le Nord? Watchez-la, votre argent. Moi, je peux pas vous conseiller, je peux pas rencontrer tout le monde et dire, bon, mais fais attention à ton argent, là, fais attention à ton argent, là, fais attention à ce que tu fais, là, fais attention à ce que tu fais, moi, je vais comme une folle. J'essaie de vous faire passer des messages d'inconférence. Faites attention à votre argent, ceux qui se conscientisent, jusqu'à temps que vous soyez suffisamment dans votre mental pour être sûr que le mouvement que vous êtes en train de faire ou sur le point de faire vous convienne parfaitement. Vous devriez, si vous avez de l'argent, être 100% sûr que l'investissement que vous faites vous rapporte. Si vous n'êtes pas 100% sûr, coupez-la à la source. Faites attention au deal. Faites attention au deal, je vous le dis. Vous ne direz pas, je ne l'ai pas dit. Ils disent que quand on est inconscient, on est comme du sable entre leurs doigts. Quand on est conscient, on est comme du liquide. Ça, c'est une façon de l'expliquer. Quand on est de l'inconscient, on est comme du sable. Il y en a, c'est comme des roches, parce que ça passe pas. Non. Mais aussitôt qu'on devient conscient, on devient comme du liquide entre leurs doigts. Ils font quasiment ce qu'ils veulent avec nous autres. C'est là le discernement. C'est pour ça qu'éventuellement, on devient mauditement intelligent parce que le liquide est capable de se solidifier instantanément. Ça, c'est notre protection personnelle. C'est irréconciliable avec l'intelligence qu'un homme perde ce qu'il a déjà. Irréconciliable. Fait que je prends l'occasion pour vous parler de ça parce que je sais que ça s'en vient, ça. Là, les forces de mouvement vers le Nord est tellement fort qu'il y a des gens qui commencent à s'acheter des maisons dans le Nord. Si vous achetez des maisons dans le Nord, arrangez-vous pour avoir un job, arrangez-vous pour pas que ça devienne un éléphant blanc, cette affaire-là. Je sais que c'est bien important, le Nord, dans la province de Québec. Qu'éventuellement, le Nord, ça va être bien, mais je peux même pas vous le dire tant que ça va être important. Mais les gens qui s'en vont vers cette région-là, arrangez-vous pour être bien perceptif. Si vous avez la moindre vibration qui bloque, suivez-la, cette vibration-là. Quand ça bloque, vous êtes safe. C'est quand ça débloque que vous faites attention. Moi, je regarde le phénomène humain de tous les angles, pas seulement de l'angle cosmique, de l'angle supramental, de l'angle qui couvre, parce que la vie, la conscience, c'est un parapluie qui couvre l'expérience de l'homme jusqu'au plan matériel. C'est bien important pour moi, le plan matériel. Mais beau parler des autres nains, mais on vit ici. Bien important pour moi, bien plus que vous pensez pour ça. Je suis très réaliste. Je suis comme un chêne, j'ai la tête bien haute, j'ai des grosses racines. Mais là, c'est des paniers, c'est la tête que tu vois. C'est pour votre protection. C'est inouï ce qu'ils peuvent nous faire faire. C'est pas le temps de perdre nos avoirs. On aura besoin demain de nos avoirs. Ça fait toute partie de l'autorité de vie, ça. Puis moi, si vous me demandez un conseil, bien là, ils vont me limiter, ils me coupent. Ils m'ont dit, bon, mais c'est ton expérience, fais attention. Ben, des fois, je peux vous parler, des fois, je peux pas vous parler. Je fais pas ce que je veux, mon ami. Je fais ce que je peux. Je vais vous expliquer un plan à la conférence générale. Vous allez voir qu'il était au bout. Commencez pas trop à papilloter. Il y a du temps. Tout vient dans le temps. Sachez travailler avec le temps. Il faut qu'on soit extrêmement averti, extrêmement intelligent et présent dans les années qui viennent. Parce qu'ils se serviront de tout pour nous amener à un discernement qu'on a besoin pour notre propre protection éventuelle. Moi, je suis tanné de parler, hein, à soir. Ah, je sais ce qu'il parlait. Oh, tu sais. J'aimerais ça répondre à des questions, tu sais. Dans les situations qu'on vit, étant donné que pour checker nos vibrations, y a-t-il une sorte de mécanisme qui fait qu'on peut savoir quand c'est vraiment juste le temps, là, de faire quelque chose? Ça fait partie. Bon, mais ça fait partie de notre expérience. C'est avec le temps qu'on en arrive à ça. Moi, je vous l'indique, quand je vous l'indique, je vous mets la puce à l'oreille. Quand je vous mets la puce à l'oreille, vous en devenez conscient. Quand vous devenez conscient, c'est plus facile pour vous autres. Le reste, c'est toute votre expérience. Parce que c'est ça qui est fatigant de discuter de temps et de poids. Oui, c'est juste. D'être sûr sans être sûr, parce que oui. C'est ça. Oui, ça, c'est notre expérience. Ça, on n'y peut rien. L'expérience de chacun est totalement personnelle. Moi, je vous donne des Je vous fais des écriteaux. Je vous fais des marques. Après ça, le reste, c'est votre expérience. C'est toute une affaire d'expérience. C'est avec le temps qu'on devient plus subtil, qu'on voit plus clair, qu'on voit clair tout de suite. Ils nous font toujours des trappes jusqu'à temps qu'on tombe plus. C'est ça notre sécurité. sont obligés de faire des trappes, qu'on en ait les va plus tomber. Après ça, les trappes ne plus, on est bête. Mais ça devient fatigant, ça. Ben oui, oui, effectivement, c'est fatigant. Ouais. Ah, ouais. D'autres questions? La nervosité, c'est un débalancement du corps astral, la nervosité, puis ça affecte le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps vital. C'est l'émotion, ça vient d'émotion, la nervosité. Si le corps astral est trop débalancé, ça affecte le corps éthérique, puis éventuellement ça affecte le système nerveux. Ça vient pas de la tête, ça vient pas du mental, la nervosité. Ça peut affecter le mental, mais ça vient pas du mental, ça vient de l'astral. Ça vient des émotions. L'émotion, mais l'émotion de la nervosité vient d'où? Elle peut venir, comme dans votre cas, d'insécurité. L'insécurité, dans votre cas, elle crée comme un dédoublement de personnalité. De sorte que vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes quand même, vous êtes tous sur deux pattes. Là, prendre une décision pour vous, c'est pas facile. Comment je veux dire? Bon. Mais ça crée une tension. Ça se développe, ça se développe. Au fur et à mesure que le mental s'affermit, bon, l'astral s'ajuste, puis éventuellement l'éthérique s'ajuste.